Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture pour la troisième matinée de cette semaine consacrée à Albert Camus. Albert Camus, la pensée de midi. Qu'est-ce que c'est la pensée de midi? C'est très simple, c'est l'art de faire tenir ensemble l'absurde et l'action, la révolte et la pratique. De porter l'exigence plus haut que ceux qui, mus par la seule éthique de conviction, croient qu'il suffit de ne pas transiger pour être irréprochable. Les révolutionnaires vocifèrent et mangent à leur faim, les politiques font des synthèses et recherchent le centre. Camus, lui, la belle âme, pourtant lucide, se tient droit et seul au milieu de la foule, attendant comme le salut le jour qui ne viendra pas, où tout homme saura souffrir sans être dupe de sa souffrance. C'est d'abord l'homme de théâtre que vous entendrez aujourd'hui dans des archives où il évoque le choix de ses acteurs, notamment Gérard Philippe et Michel Bouquet, l'échec de ses pièces aussi, notamment Le Malentendu ou encore L'État de siège, les raisons d'être de Caligula, sa meilleure pièce, son bonheur enfin de faire le metteur en scène. Puis nous serons avec Elena Bossis, autre actrice camusienne et directrice du Théâtre Antoine, dans les travées du merveilleux Théâtre Antoine, pour évoquer justement l'expérience que fit Camus de la direction d'acteurs, en particulier quand il mit en scène Les Possédés de Dostoïevski. Comment? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Remarquez que cette réflexion, après tout, est moins banale qu'il y paraît. Le bonheur, après tout, est une activité originale aujourd'hui. La preuve est qu'on a tendance à se cacher pour l'exercer, à y voir une sorte de balai rose dont il faut s'excuser. Là-dessus, d'ailleurs, tout le monde est bien d'accord. Je lis souvent, sous des plumes austères, que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. Bon, où en étais-je? Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. N'avouez jamais. Ne dites pas comme ça, sans penser à mal, ingénument, je suis heureux. Car aussitôt, vous verriez autour de vous, sur des lèvres retroussées, votre condamnation. Ah, vous êtes heureux, mon garçon. Et que faites-vous des orphelins du Cachemire ou des lépreux de la Nouvelle-Zélande qui ne sont pas heureux, eux, comme vous dites? Eh oui, que faire des lépreux? Comment s'en débarrasser, comme dit notre ami Ionesco? Et aussitôt, nous voilà tristes comme des cure-dents. Pourtant, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Tenez, j'ai connu un homme qui n'aimait pas sa femme, ce qui n'est pas bien, et qui s'en désespérait, ce qui est mieux. Il décida un jour de vouer sa vie complètement à cette femme, par compensation en somme, et de se sacrifier à elle. Eh bien, la vie de cette pauvre femme, qui était supportable jusque-là, devint un véritable enfer. Son mari avait le sacrifice voyant, vous comprenez, et le dévouement fracassant. Il y a ainsi de nos jours beaucoup de gens qui se dévouent d'autant plus à l'humanité qu'ils l'aiment moins. Ces amants moroses se marient pour le pire, en somme, jamais pour le meilleur. Étonnez-vous après cela que le monde ait mauvaise mine, qu'il soit difficile d'y afficher le bonheur, surtout, hélas, quand on est un écrivain. Cependant, j'essaie personnellement de ne pas me laisser influencer. Je garde du respect pour le bonheur et les gens heureux, et je m'efforce, par hygiène, de me trouver le plus souvent possible sur un des lieux de mon bonheur, je veux dire, le théâtre. En 1936, ayant réuni une troupe d'infortune, j'ai monté dans un dancing populaire d'Alger une série de spectacles qui allait de Malraux à Dostoïevski en passant par Eschyle. 23 ans après, sur la scène du théâtre Antoine, j'ai pu monter une adaptation des Possédés du même Dostoïevski. Étonné moi-même par une si rare fidélité ou une si longue intoxication, je me suis interrogé sur les raisons de cette vertu ou de ce vice si obstiné. Et j'en ai trouvé de deux sortes, les unes qui tiennent naturellement à ma nature et les autres qui tiennent à celle du théâtre. Ma première raison, et la moins brillante, je le reconnais, est que j'échappe par le théâtre à ce qui m'ennuie dans mon métier d'écrivain. Supposez que vous vous appeliez Fernandel ou Alican ou Brigitte Bardot ou plus modestement Paul Valéry. Vous auriez naturellement votre nom dans le journal. Et à partir du moment où l'on a son nom dans le journal, l'encombrement commence. Le courrier se rue, les invitations pleuvent, il faut répondre, et la moitié du temps se passe à refuser de le perdre. Une grande partie de l'activité humaine est aujourd'hui consacrée à dire non de toutes les manières. N'est-ce pas idiot ? Certainement, c'est idiot, mais c'est ainsi que nous sommes punis de nos vanités par la vanité elle-même. J'ai remarqué en tout cas que le métier de théâtre est plus respecté et qu'il suffit d'annoncer qu'on est en répétition pour qu'aussitôt un délicieux désert s'installe autour de vous. Et si vous avez de plus l'astuce, comme je le fais, de répéter toute la journée et une partie de la nuit, alors là, franchement, c'est le paradis. Le théâtre est ainsi pour moi un couvent. L'agitation du monde meurt au pied de ses murs. Et à l'intérieur de l'enceinte sacrée, une communauté de moines travailleurs, voués à un seul but, tournés vers une seule méditation, prépare inlassablement l'office qui sera célébré pour la première fois. Entendons-nous, les acteurs en tant que personnes sont aussi décevants que n'importe quelle créature humaine, y compris d'ailleurs le metteur en scène. Et d'autant plus décevants parfois qu'on s'est laissé aller à beaucoup les aimer. Mais les déceptions, si déceptions il y a, surviennent presque toujours après la période de travail, quand chacun retourne à sa nature solitaire. On dit dans ce métier où l'on n'est pas très fort sur la logique, et on le dit avec la même conviction, que ce qui gâte les troupes, c'est le succès, ou bien au contraire, que ce qui gâte les troupes, c'est l'échec. Il n'en est rien. Ce qui gâte les troupes, c'est presque toujours la fin de l'espoir qui, pendant les répétitions, les tenait réunis. Car cette communauté n'est si étroitement unie que par la proximité du but ou de l'enjeu. Un parti, par exemple, un mouvement, une église, sont aussi des communautés. Mais le but qu'elles poursuivent se perd dans la nuit de l'avenir. Mais pour en rester aux considérations personnelles, je dois ajouter que le théâtre m'aide à fuir l'abstraction qui menace tout écrivain. De même qu'au temps où je faisais du journalisme, je préférais le travail des mises en page sur le marbre des imprimeries à la rédaction de ces sortes de prêches qu'on appelle éditoriaux. De même, j'aime qu'au théâtre, l'œuvre s'enracine au niveau des praticables, des projecteurs, des toiles et des objets. Je ne sais qui a dit que pour bien mettre en scène une pièce, il fallait connaître le poids des décors par les bras. C'est une grande règle d'art. Et pour ma part, j'aime ce métier, qui m'oblige à considérer en même temps que la psychologie des personnages, la place d'une lampe ou d'un pot de géranium, le grain d'une étoffe, le relief et le poids d'un caisson qui doit monter au cintre. Et lorsque mon ami Maillot dessinait les décors des Possédés, nous étions d'accord pour penser qu'il fallait commencer par des décors construits, un salon lourd, des meubles, enfin le réel, et pour enlever peu à peu la pièce vers une région plus élevée, moins enracinée dans la matière, pour styliser en somme le décor. La pièce se terminerait ainsi dans une sorte d'irréal folie, mais elle serait partie d'un lieu précis et chargé de matière. N'est-ce pas la définition même de l'art ? Non pas le réel tout seul, ni l'imagination toute seule, mais l'imagination à partir du réel. C'est là, en tout cas, ce que m'apprend le théâtre. Voilà, vous venez d'entendre Albert Camus dans l'émission Gros Plan qui lui était consacrée, enregistrée au Théâtre Antoine en 1959. Albert Camus parle bien du théâtre comme d'un remède à l'abstraction, donc une façon pour lui de passer l'œuvre au tamis du réel, de confronter l'idée à la pratique et de donner par là même à la pensée la souplesse d'une interprétation. Il dit du théâtre et du football qu'ils ont été ces deux universités. Lorsque son ami Charles Poncet demanda à Camus quelle activité il aurait choisi, justement, du football ou du théâtre, si sa santé le lui avait permis, Camus répondit « le foot sans hésiter ». Mais l'histoire raconte qu'un jour, sur un stade d'Alger, Camus, qui était gardien de but, bloqua de la poitrine le tir d'un avant-centre adverse et s'évanouit entre les poteaux. Il fera donc du théâtre, en espérant d'abord traduire sur les planches le désir qui est le sien de, ce sont ses propres termes, « diminuer la somme de malheur ou d'amertume qui empoisonne les hommes ». Et depuis le théâtre du travail, où à 20 ans et plus, adaptant Malraux, Gorky, Machiavel et Balzac, Camus découvre le bonheur des mises en scène. Jusqu'à la mise en scène ultime des possédés de Dostoïevski au théâtre Antoine, dont nous parlerons tout à l'heure avec Elena Bossis, l'existence de Camus est inséparable de l'expérience théâtrale. Un peu comme s'il fallait à la fois des planches et du vertige à ce Français d'Algérie sans certitude. Alors, je vous propose maintenant d'écouter Camus poursuivant sa réflexion sur le théâtre au micro de la radiodiffusion française. Albert Camus, vous avez réussi au théâtre la chose la plus difficile qui soit. Vous avez transposé dans votre œuvre dramatique des problèmes auxquels vous cherchez désespérément une solution et vous l'avez fait sans jamais tomber dans le travers de la pièce à thèse, de l'horrible pièce philosophique. Vous avez créé des personnages qui existent vraiment. Il me semble que, comme tous les Méditerranéens, vous aviez le théâtre dans le sang. J'ai appris sur les planches que le théâtre s'embarrasse de peu de choses, de la toile pour les décors et pour la pièce, des caractères et un langage. Certains critiques se sont obstinés à voir dans votre Caligula l'illustration, qu'ils reconnaissaient d'ailleurs magnifique, de théorie philosophique. J'y vois plutôt l'étude d'un caractère et aussi la peinture de ce déchirement atroce qu'est le passage de l'adolescence à l'état d'homme. J'aimerais que vous me disiez si à mon tour je suis dans l'erreur. Caligula n'est en effet que la peinture d'un caractère tel qu'il convient, il me semble, au théâtre, c'est-à-dire simplifié et poussé à bout d'un mouvement irréversible. Pour le reste, j'avoue que je ne sais pas ce qu'est une pièce philosophique. Pour peu que vous vous éleviez un peu au-dessus du lit aujourd'hui, on crie à la métaphysique. Mais je vous proposerai seulement trois sujets de méditation. Premièrement, il n'y a pas plus d'idées générales et plutôt moins dans le théâtre contemporain que dans Eschyle ou dans Shakespeare. Deuxièmement, s'il m'est arrivé d'entendre parfois des cours de philosophie au théâtre, c'est presque toujours sur les scènes de nos boulevards. Et troisièmement, on confond trop souvent le théâtre écrit et le théâtre d'idées. Si vous n'écrivez pas le mélange d'argot et d'onomatopée qui fait le fond des conversations parisiennes, si vous vous efforcez seulement d'écrire correctement, alors vous êtes un penseur. Qu'importe d'ailleurs, il reste qu'il n'y a pas de théâtre sans grand langage et que ce but idéal est celui vers lequel nous devons tendre. Coppo l'avait compris avant tout autre, et c'est grâce à lui que le théâtre a été tiré d'un demi-siècle de vulgarité et rendu à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire la forme suprême de l'art littéraire. Le malentendu a été monté par Marcel Herrand au Mathurin en 1943, mais l'œuvre est pourtant bien postérieure à Caligula. Oui, elle a été écrite en 1942, 5 années et une guerre la séparent de Caligula. En chemin, les coquetteries se sont perdues et il a fallu le vrai courage de mon ami Herrand pour songer à représenter cette pièce aride. Oui, le malentendu marque à mon avis un très grand pas vers un classicisme très pur, dépouillé. Il me semble que vous avez pris avec cette pièce un très grand risque. Je veux dire que vous avez fait très largement crédit à la subtilité et à la compréhension des spectateurs. Je sais qu'il est de règle de feindre une belle humilité à l'égard du public. En ce qui me concerne, je place cependant mon humilité ailleurs. Et je dirais simplement qu'un auteur dramatique n'a pas à suivre le public, mais à se faire suivre de lui. Le malentendu n'est pas une pièce réussie. Elle l'est beaucoup moins que l'état de siège, par exemple, et j'en referai volontiers tout le deuxième acte. Mais je peux vous assurer au moins qu'elle eût été totalement manquée si j'avais essayé seulement de la rendre plus aimable. La plus belle scène du malentendu, qui est pour moi une très belle pièce, cher Camus, c'est, je crois bien, cette scène du troisième acte où Maria, venue à l'auberge pour retrouver son mari, apprend de Martha que son mari est au fond de la rivière où sa sœur et sa mère l'ont jeté.

Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout, mon chéri, cela s'appelle la tendresse. Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur, ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Personne ne t'aimera jamais comme je t'aime. Je sais, mais ne faut-il pas mieux aimer comme tout le monde? Je ne suis pas n'importe qui, je t'aime comme je suis. Tu m'aimes plus que la justice? Plus que l'organisation? Je ne vous sépare pas, toi, l'organisation et la justice. Oui, mais réponds-moi, je t'en supplie, réponds-moi. M'aimes-tu dans la solitude, avec tendresse, avec égoïsme? M'aimerais-tu si j'étais injuste? Si tu étais injuste et que je puisse t'aimer, ce n'est pas toi que j'aimerais. Mais tu ne réponds pas, dis-moi seulement, m'aimerais-tu si je n'étais pas dans l'organisation? Et où serais-tu donc? Et je me souviens du temps où j'étudiais, je riais, j'étais belle alors. Je passais des heures à me promener, à rêver. M'aimerais-tu légère et insouciante? Je meurs d'envie de te dire oui. Et alors dis oui, mon chéri, si tu le penses et cela est vrai. Oui, en face de la justice, devant la misère et le peuple enchaîné. Oui, oui, je t'en supplie, malgré l'agonie des enfants, malgré ceux qu'on pend et ceux qu'on fouette à mort. Tais-toi, Dora. Non, il faut bien une fois au moins laisser parler son cœur. J'attends que tu m'appelles, moi, Dora, que tu m'appelles par-dessus ce monde empoisonné d'injustice. Tais-toi ! Mon cœur ne me parle que de toi, mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure ? Ah oui, j'oubliais. Non, c'est très bien, mon chéri. Ne sois pas fâché, je n'étais pas raisonnable. C'est la fatigue. Moi non plus, je n'aurais pas pu le dire. Je t'aime du même amour un peu fixe dans la justice et les prisons. L'été, Yannick. Tu te souviens? Mais non, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Oui, c'est là notre part, l'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc. Il y aura alors une paix, pour toi comme pour moi. La paix? Quand la trouverons-nous? Le lendemain. C'était un soir d'hiver au théâtre des Mathurins, dans une pièce dont parlait tout Paris, que Camus fit la connaissance d'une actrice encore élève au conservatoire, mais qui, pour le meilleur, allait bientôt s'en faire exclure, une grande tragédienne qui passait son bac entre deux répétitions, par ailleurs fille engagée courageuse d'un premier ministre espagnol en exil, Maria Casares. Quelques mois plus tard, toujours au Mathurin, elle incarna Martha, l'héroïne détestable du malentendu, dans une mise en scène de Marcel Herrant sous l'œil fasciné de Camus qui, dans son premier roman, La mort heureuse, avait déjà donné le prénom de Marthe à celle qui incarnait en partie les fautes de sa première épouse, Simone Hyé. 3 semaines avant la générale, ils allèrent au bras l'un de l'autre à une fête, dans l'appartement de Charles Dullin, rue de la Tour d'Auvergne, en compagnie de Sartre et Beauvoir, et ils y dansèrent jusqu'au petit matin du 6 juin 1944. En ce qui le concerne, le malentendu de Camus fut un échec cuisant, avec sifflets, articles méchants et mal écrits, etc. Mais Camus n'en avait cure, l'amour l'avait rendu raisonnable. « J'ai mis 10 ans à conquérir ce qui me paraît sans prix, un cœur sans amertume », note-t-il dans ses carnets à ce moment-là. « Personnellement, j'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice, à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette voix, que je dois à Maria Casares, me suffisait tout à fait. Ils ne seraient plus jamais vraiment loin l'un de l'autre. » Malgré son amour du théâtre, il faut admettre que Camus n'était pas un grand dramaturge. Le philosophe livre pourtant dans ses pièces une version vivante de ces contradictions essentielles. Les justes, c'est-à-dire, pour la première distribution, Maria Casares, Serge Reggiani et Michel Bouquet, qui racontent l'histoire d'un meurtrier délicat, incapable de tuer des enfants, contiennent toute la morale sublime de l'homme révolté, dont la gauche méprise l'indiscipline et dont la droite vomit l'idéalisme.

Et c'est pourquoi je me suis fait destin. J'ai pris le visage bête et incompréhensible des dieux. C'est cela que tes compagnons de tout à l'heure ont appris à adorer. Et c'est cela le blasphème, Caius. Mais non, Scipion, c'est de l'art dramatique. L'erreur de tous ces hommes, c'est de ne pas croire assez au théâtre. Il serait sans cela qu'il est permis à tout homme de jouer les tragédies célestes et de devenir dieu. Il suffit de se durcir le cœur. Scipion, peut-être en effet, Caius. Mais si cela est vrai, je crois qu'alors tu as fait le nécessaire pour qu'un jour, autour de toi, des légions de dieux humains se lèvent implacables à leur tour et noient dans le sang ta divinité d'un moment. Caesonia, Scipion, Caligula laisse Caesonia. Tu ne crois pas si bien dire, Scipion. J'ai fait le nécessaire. J'imagine difficilement le jour dont tu parles, mais j'en rêve quelquefois. Et sur tous les visages qui s'avancent alors du fond de la nuit amère, dans leurs traits tordus par la haine et l'angoisse, je reconnais en effet avec ravissement le seul Dieu que j'ai adoré en ce monde, misérable et lâche comme le cœur humain. Et maintenant, va-t'en, tu en as beaucoup trop dit. Mais j'ai encore les doigts de mes pieds à rougir, c'est la presse. Tous sortent sauf Hélicon qui tourne en rond autour de Caligula, absorbé par les soins de ses pieds. Alors qu'il était encore au conservatoire, Gérard Philippe avait déjà été remarqué dans Sodome et Gomorre de Giraudoux, puis dans Federico de René Laporte, où Maria Cassarès tenait le rôle principal. C'est donc lui, malgré ses 23 ans, que Jacques Héberto, directeur du théâtre éponyme, avait choisi pour incarner Caligula, dont la distribution étrangement ne comportait aucun rôle pour Maria, sous la direction de Paul Oetli, dans un décor de Louis Miquel. La générale du 26 septembre 1945 ne fut pas un succès, mais la pièce fit de Philippe une vedette et de Camus un sage, notant dans son carnet que la renommée n'est dans le meilleur des cas qu'un malentendu, mais qu'il ne prendra pas pour autant l'air supérieur de celui qui la dédaigne. Je vous propose maintenant d'entendre l'hommage qu'Albert Camus fit de Gérard Philippe à la mort de ce dernier survenu 13 ans plus tard. À l'hommage que rend ce soir la radiodiffusion télévision française à Gérard Philippe, en réunissant quelques-uns de ses amis, s'associe Albert Camus. J'ai connu Gérard Philippe il y a 13 ans, je crois, au théâtre Héberto, où il avait créé ma pièce Caligula. La pièce par elle-même n'était pas destinée à toucher un grand public, mais je suis persuadé que c'est la manière exceptionnelle dont Gérard Philippe la joua qui lui permit d'accéder à ce grand public. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Gérard Philippe, qui s'était consacré au cinéma et qui, lorsqu'il paraissait sur une scène, paraissait sur celle du Théâtre National Populaire. C'est un métier où l'on ne voit que les gens avec qui on travaille ou bien ses amis les plus intimes. Mais c'est pourquoi Gérard Philippe est resté pour moi. Ce grand jeune homme qui est rentré en 1946 dans mon bureau et qui, avec un mélange de timidité souriante et d'enthousiasme communicatif, me déclara qu'il avait lu le rôle de Caligula et qu'il était sûr de le jouer à ma satisfaction. Et je dois dire que le fameux charme de Gérard Philippe, qui devait imposer la pièce au public, a commencé à jouer d'abord sur moi. C'est pourquoi, pour moi, c'est ce grand jeune homme rieur et charmant qui vient de disparaître de manière consternante, et sur ce point, hélas, toutes les paroles sont vaines. Les archives que vous allez entendre maintenant se passent de commentaires. Vous entendrez d'abord Pierre Vanneck, interprétant l'ignoble Stavrogine des possédés dans la mise en scène d'Albert Camus lui-même, puis une émission enregistrée à la veille de la première des possédés, justement, au Théâtre Antoine. Bon. Voici. J'ai écrit un récit qui me concerne et que je vais rendre public. Ce que vous pourrez dire ne changera rien à ma décision. Cependant, je voudrais que vous soyez le premier à connaître cette histoire. Et Je vais vous la dire. Oh, bougez-vous les oreilles. Donnez-moi votre parole de ne pas m'écouter et je parlerai. De 1861 à 1863, j'ai vécu à Pétersbourg, en m'adonnant à une débauche où je ne trouvais aucun plaisir. Je vivais avec des camarades nihilistes qui m'adoraient à cause de mon porte-monnaie. Je m'ennuyais terriblement, tellement même que j'aurais pu me pendre. J'avais trois appartements. Trois? Oui, trois. L'un où j'avais installé Maria Lebiatkin, qui est devenue ma femme légitime. Et deux autres où je recevais mes maîtresses. L'un d'eux m'était loué par des petits bourgeois qui occupaient le reste de l'appartement et travaillaient au dehors. Je restais donc seul, assez souvent, avec leur fille de 12 ans qui s'appelait Matryosha. Voulez-vous continuer ou vous arrêter? Je continuerai. C'était une enfant extrêmement douce et calme, au visage d'un blond pâle taché de rousseur. Un jour, je ne trouvais plus mon canif. J'en parlais à la propriétaire qui accusa sa fille et, saisissant des verres, je la battis jusqu'au sang, devant moi. Et dans la soirée, je retrouvais mon canif dans les plis de ma couverture. Mais je le mis dans la poche de mon gilet et, une fois dehors, je le jetai dans la rue afin que personne n'en sache rien. Trois jours après, je revins dans la maison de Matryosha. Vous avez parlé à ses parents? Non, ils n'étaient pas là. Matryosha était seule. Ah. Oui. Seule. Elle était assise dans un coin, sur un petit banc. Elle me tournait le dos. Je restais longtemps à l'observer de ma chambre. Et tout à coup, elle commença à chanter doucement, très doucement. Mon cœur se mit à battre très fort. Je me levai alors et m'approchai lentement de Matryosha. Je m'assis en silence à côté d'elle, sur le plancher. Elle eut peur et se dressa tout à coup. Je lui pris sa main, que j'embrassai. Elle rit comme une enfant. Je la fis se rasseoir et elle se dressa à nouveau avec un air épouvanté. Je lui embrassai encore la main. Et je la pris sur mes genoux. Elle eut un mouvement de recul et me sourit encore. Moi, je riais aussi. Enfin, elle jeta ses bras autour de mon cou et m'embrassa. À cet endroit de mon récit, j'ai laissé un blanc. Allez-vous me dire la suite? Non, non. Plus tard, peut-être, quand vous en serez digne. Mais il ne s'est rien passé, qu'allez-vous imaginer? Rien du tout! Le mieux, voyez-vous, serait que vous ne me regardiez pas. Et n'épuisez pas ma patience. Quand je revins deux jours plus tard, Matryosha s'enfuit dans l'autre pièce dès qu'elle me vit. Mais je pus constater qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Et pourtant, j'avais peur. Pendant tout ce temps-là, j'avais une peur atroce qu'elle ne parlât. Enfin, un jour, sa mère me dit, avant de nous laisser seuls, que la fillette était couchée avec la fièvre. Je restais assis, immobile, dans ma chambre, à regarder dans l'autre pièce, le lit, dans la pénombre. Au bout d'une heure, elle bougea. Elle sortit de l'ombre, très amaigrie dans sa chemise de nuit, et vint sur le seuil de ma chambre. Et là, hochant la tête, elle me menaça de son petit poing frêle. Puis elle s'enfuit, je l'entendis courir sur le balcon intérieur de la maison. Je me levai alors et la vis disparaître dans un réduit où l'on gardait du bois. Je savais ce qu'elle allait faire. Et vous aussi? Oui. Oui. Mais je me rassis et me forçais à attendre 20 minutes. Je me souviens que sur un géranium à côté de moi, une minuscule araignée rouge cheminait lentement. Quand les 20 minutes furent écoulées, je me forçais à attendre encore un quart d'heure. Et en sortant, je regardais par une fente à l'intérieur du réduit. Matryosha s'était pendue. Puis, Puis je sortis et toute la soirée, je jouais aux cartes avec le sentiment d'être délivré. Délivré? Oh oui. Et en même temps, je sentais que ce sentiment reposait sur une lâcheté infâme et que plus jamais je ne pourrais me sentir noble sur cette terre, ni dans une autre vie, jamais! Est-ce pour cela que vous vous êtes conduit ici d'une façon si étrange? Oui, j'aurais voulu mourir, mais j'en avais pas le courage. Alors, j'ai gâché mon existence de la façon la plus bête possible. J'ai mené une vie ironique. J'ai trouvé que ce serait une bonne idée bien stupide d'épouser une folle, une infirme dont j'ai fait ma femme. J'ai même accepté un duel où je ne l'ai pas tiré, dans l'espoir d'être tué sottement. Et pour finir, j'ai accepté les fardeaux les plus lourds, tout en n'y croyant pas. Mais tout cela en vain, en vain. Et maintenant, je vis entre deux rêves. L'un où, sur des îles heureuses, au milieu d'une mer lumineuse, les hommes s'éveillent et s'endorment. Innocents. L'autre où je vois Matrioche, amaigrie, me menaçant de son petit poing. Son petit poing. Oh, je voudrais effacer un acte de ma vie, et je ne peux pas! Le 30 janvier, les possédés seront donc à l'affiche du Théâtre Antoine. On serait tenté de dire encore du Dostoïevski. Albert Camus, pourquoi encore du Dostoïevski? Eh bien, je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations théâtrales de Dostoïevski, mais, ou du moins c'est l'impression qu'on en a, mais finalement il n'y en a pas tellement eu. Parce que, à part l'adaptation que Coppo a fait des Frères Karamazov, que j'ai monté moi-même d'ailleurs il y a près de 20 ans, et d'autre part, l'adaptation des possédés qui a été faite par une jeune compagnie, dans des conditions d'ailleurs très remarquables, plus, je crois, l'adaptation de l'Éternel Marie par Jacques Mauclair, il n'y a pas tellement eu... Ah, j'ai oublié l'adaptation d'Humilié et Offensé, qui a été produite récemment à Paris. Mais enfin, il n'y en a pas eu tellement. Pourquoi cet auteur qui n'a jamais écrit pour le théâtre exerce-t-il, si j'ose dire, un certain sex-appeal sur les hommes de théâtre? Eh bien, ce que ça pile à part, n'est-ce pas, je crois que c'est parce que il est véritablement un homme de théâtre. Il procède par dialogue, il procède par indication de mise en scène extrêmement précise, et la durée de ses romans n'a rien à voir avec la durée romanesque telle que, par exemple, Tolstoï l'a installée dans ses livres. C'est une sorte de temps par explosion, par raccourci, par condensation, et par conséquent, c'est le temps dramatique par excellence. Et je suppose que bien qu'un fil théâtral court dans les possédés, vous vous êtes trouvé devant d'énormes difficultés matérielles. C'est quand même un roman qui fait plus de 1000 pages. Oui, je crois qu'il en fait 1200 à peu près. Et naturellement, ça a supposé quelques sacrifices. Ceci dit, je dois dire que j'ai été considérablement aidé par ce que j'appellerais la technicité de Dostoïevski en ce qui concerne le théâtre. C'est-à-dire que chaque scène est amenée d'une manière qu'un auteur dramatique envierait. Et chaque scène se termine aussi par des coups de théâtre qu'il a suffi pour moi d'emmagasiner, en somme. Il y a dans Les Possédés une foule de personnages dans le roman. Vous avez dû être obligé d'en sacrifier quelques-uns, je suppose. Eh bien, si curieux que ça paraisse, je n'en ai pas sacrifié beaucoup. Je veux dire que j'en ai sacrifié peut-être 6 ou 7 et qui encore m'ont paru secondaires. Pour tous les autres, ils figurent dans l'adaptation et tous leurs actes, ou toutes leurs scènes, si l'on peut dire, se trouvent reportés du roman dans l'adaptation. Les possédés, c'est un titre séduisant, mais que signifie-t-il exactement? Est-ce qu'il contient le sujet de la pièce? Il contient le sujet de la pièce et c'est une allusion à l'écriture, à un passage de Saint-Luc exactement, où il est fait allusion à des possédés par le démon que finalement Jésus et par conséquent l'évangile a guéri. Vous reconnaissez là naturellement la grande pensée, la grande croyance de Dostoïevski. J'ai vu les affiches et... Le nom d'Albert Camus figure en plus gros caractère que celui de Dostoïevski. Vous ne vous êtes donc pas effacé derrière Dostoïevski. Et c'est une pièce d'Albert Camus ou une œuvre de Dostoïevski? Eh bien, moi, je n'ai pas vu les affiches parce que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et lorsque je les ai vues, j'ai fait remarquer que le contraire aurait dû être fait. Par conséquent, je m'efface réellement devant Dostoïevski. Simone Berriot, vous avez ouvert le Théâtre Antoine aux possédés et je crois qu'il faut souligner que c'est un acte courageux. Bon, pas courageux en soi de monter les possédés, surtout pas de monter une pièce de Camus que j'attends déjà depuis des années, car j'ai eu ici beaucoup d'auteurs Évidemment, Camus n'était pas venu. Alors voilà, nous montons les possédés. C'est une entreprise très difficile, en effet, très coûteuse aussi, qui va exiger tout de même du public un peu de patience. D'abord, il faut lui demander de venir à 8 heures du soir. Ça sera difficile. Oui, bien sûr. Et puis, enfin, j'ai tout de même été très gâtée, parce que tout de même, souhaitant une pièce de M. Camus, il m'a apporté une pièce qui dure 3 heures et quart. C'est une pièce et demie. C'est merveilleux, je suis très gâtée. D'ailleurs, je suis persuadée que aussi bien le public du Théâtre Antoine, qui m'est très fidèle, que tout le public d'ailleurs, sera très gâté et sera ravi. Je ne peux pas vous demander, Albert Camus, de nous présenter 26 personnages, mais au moins quelques-uns de vos acteurs. Eh bien, je vais d'abord vous présenter, dans l'ordre d'entrée en scène, M. Pierre Blanchard, que vous connaissez naturellement. Mm-hmm. Et qui connaît bien Dostoïevski, et qui doit un de ses plus grands succès, un film avec Dostoïevski. De vous, André Aubet, déclare dans le programme, Pierre Blanchard est un homme qui a une ombre. Oui, et les explications qu'il lui en donne, qu'il donne à cette La Palissade, sont extrêmement flatteuses. Alors je vous recommande de ne pas les prendre trop au sérieux, parce que André Aubet est un très grand ami et un très grand poète. Je crois justement qu'on peut se fier au jugement de ceux qui sont à la fois des poètes et des amis. C'est une opinion. Oui. C'est une opinion que nous partageons. Et maintenant, je vais vous présenter Madame Tania Balachova, qui, dans l'ordre d'entrée en scène, suit M. Pierre Blanchard. Madame Balachova est russe, comme vous savez, par conséquent, toute désignée pour figurer dans Les Possédés. Et elle aime son rôle. C'est un rôle fort attachant, avec ses deux passions, l'une pour son fils Nicolas Stavrogin, et puis la deuxième qu'elle a cachée pendant 20 ans pour Stepan Trofimovitch Blanchard. Et toujours dans l'ordre d'entrée en scène, je vous présente Michel Bouquet, qui joue le révolutionnaire nihiliste Pierre Verkhovensky. Et qu'en pense-t-il de ce... Je pense que c'est le plus possédé de tous, enfin, le plus démoniaque de tous ces démoniaques, donc diabolique. Le plus effarant. Et il ne me reste plus qu'à vous présenter Pierre Vanek, qui dans cette pièce joue le rôle d'un aristocrate décadent, Stavrogin. Que pouvez-vous nous dire de ce rôle? Ce qui m'a passionné dans le rôle, d'abord, je crois que c'est un des plus grands parmi les héros de romans. Et puis ensuite, c'est un personnage actuel. À l'époque où le roman a été écrit, c'était un personnage prophétique. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les Stavrogin peuplent le monde. Et on en arrive à la raison pour laquelle, dans le fond, vous avez monté cette pièce, Albert Camus. On ne pouvait pas mieux la définir que Pierre Vanek vient de le faire. Pour son actualité. Pour son actualité. Mais qui sont ces Stavrogin dont le monde est plein? Le Stavrogin de Dostoïevski est un monstre, un salaud de la pire espèce, une crapule folle et lucide, un assassin dont la force ne lui sert qu'à se faire craindre des humains qu'il abomine. Camus raffole de ces personnages métaphysiques, ces demi-lucides sans espoir ni morale, dont la vision du monde est une aversion du monde. Mais dire que le monde est plein de Stavrogin ne veut pas seulement dire que le monde est plein d'ordures sanguinaires, mais qu'il déborde, plus modestement, d'individus que la peur de mourir rend, sinon meurtrier, du moins malhonnête et violent. Stavrogin n'est pas seulement un violeur d'enfants, un tueur d'innocents, une brute élégante, un bouffon du néant qui vomit l'indolence et reproche à Dieu de ne pas exister. Stavrogin, c'est aussi la face cachée des prophètes, l'envers funeste de l'idéal révolutionnaire, l'insigne lâcheté qui porte les hommes à croire tout ce qu'on leur raconte pour détourner les yeux d'un monde que son absurdité rend invivable. Ça ne lui plairait pas, mais Stavrogin ressemble, plus qu'il ne voudrait, aux petits hommes qu'il méprise de toute son âme. En somme, le drame de Stavrogin, et de la condition humaine avec lui, c'est que Stavrogin, c'est aussi Monsieur Tout-le-Monde. Acteur à 20 ans, auteur dramatique à 30 et metteur en scène à 40, Albert Camus est un homme de théâtre complet. Il est un de ceux pour qui le théâtre a de l'importance, c'est-à-dire qu'il est un de ceux pour qui le théâtre est à la fois un texte, un jeu, une présence, une délivrance. Camus sait qu'on peut mesurer le niveau d'une civilisation, entre autres, au niveau de son art dramatique. Il sait aussi par quel secret détour le comédien parle pour tous. C'est donc à Albert Camus que nous demanderons de tirer la conclusion de cette émission. Ce texte, lu par Albert Camus, est extrait du mythe de Sisyphe. La convention du théâtre, c'est que le cœur ne s'exprime et ne se fait comprendre que par les gestes et dans le corps, ou par la voix qui est autant de l'âme que du corps. La loi de cet art veut que tout soit grossi et se traduise en chair. S'il fallait sur la scène aimer comme l'on aime, user de cette irremplaçable voix du cœur, regarder comme on contemple, notre langage resterait chiffré. Les silences ici doivent se faire entendre, l'amour hausse le ton, et l'immobilité même devient spectaculaire, le corps est roi. N'est pas théâtral qui veut, et ce mot déconsidéré à tort recouvre toute une esthétique et toute une morale. La moitié d'une vie d'homme se passe à sous-entendre, à détourner la tête et à se taire. L'acteur est ici l'intrus. Il lève le sortilège de cette âme enchaînée, et les passions se ruent enfin sur leur scène. Elles parlent dans tous les gestes, elles ne vivent que par cris. Ainsi, l'acteur compose ses personnages pour la montre. Il les dessine ou les sculpte. Il se coule dans leur forme imaginaire et donne à leur fantôme son sang. Je parle du grand théâtre, cela va sans dire, celui qui donne à l'acteur l'occasion de remplir son destin tout physique. L'échelle même du corps humain est insuffisante. Le masque et les cothurnes, le maquillage qui réduit et accuse le visage dans ses éléments essentiels, le costume qui exagère et simplifie, cet univers sacrifie tout à l'apparence et n'est fait que pour l'œil. Par un miracle absurde, c'est le corps qui apporte encore la connaissance. Du personnage absurde, l'acteur a par suite la monotonie. Cette silhouette unique, entêtante, à la fois étrange et familière, qu'il promène à travers tous ses héros. Là encore, la grande œuvre théâtrale sert cette unité de ton. C'est là que l'acteur se contredit. Le même est pourtant si divers. Tant d'âmes résumées par un seul corps. Mais c'est la contradiction absurde elle-même, cet individu qui veut tout atteindre et tout vivre, cette vaine tentative, cet entêtement sans portée. Ce qui se contredit toujours s'unit pourtant en lui. Il est à cet endroit où le corps et l'esprit se rejoignent et se serrent, où le second, lassé de ses échecs, se retourne vers son plus fidèle allié. Et béni soient ceux, dit Hamlet, dont le sang et le jugement sont si curieusement mêlés, qu'ils ne sont pas flûtes, où le doigt de la fortune fait chanter le trou qui lui plaît. Écoutez maintenant, chers auditeurs, le témoignage de Helena Bossis, qui fut actrice de Sartre et de Camus et qui assista de si près à la naissance d'un metteur en scène. Écoutez-la dire « cloc » pour désigner le moment où Camus trouvait une idée. Quand nous étions allés l'enregistrer avec Marie-France Thiveau et Margot Abascal, elle nous avait reçus en tenue de soirée. Dans l'escalier des artistes, il y a une photo de Camus absolument magnifique. Ouais. Photo de Camus à l'époque où il était donc, on est en 58, il est le metteur en scène d'une adaptation des possédés de Dostoïevski. De Dostoïevski. C'est étrange parce que, c'est étrange quand on connaît le sujet de la pièce, parce qu'il a l'air heureux sur cette photo. Oui, il était très heureux. Il était heureux au théâtre? Oui, il était très heureux, il adorait le théâtre. Comment ça se passe? Il regardait ses acteurs? Il travaillait avec eux à cet instant? Ah oui, il était assis dans la salle, il travaillait avec eux, il ne les quittait pas. Hein. Il y avait un bistrot là, juste à côté du théâtre maintenant qui n'existe plus. C'était un bistrot, vraiment le bistrot. Hein. Eh bien, il allait toujours avec ses comédiens, avec mes camarades, c'était des camarades à moi parce que j'étais encore comédienne à l'époque. Et il allait tout le temps dîner avec eux, il ne les quittait pas. Il était très proche de ses comédiens. Il paraît même que, après sa mort, ses comédiens ont continué en tournée, c'était la tournée des possédés, à recevoir des cartes postales de Camus qu'il leur avait adressées. Ah mais c'est sûr. Moi j'avais reçu un mot de lui 3 jours avant, parce qu'à ce moment-là je répétais le zéro et l'infini, D'Arthur Koestler, qui est donc l'ami de Camus, il faut préciser ça pour nos auditeurs. Et je me faisais beaucoup de soucis avec cette pièce, parce que je me disais, est-ce que ça va passer, etc. C'était avec Raymond Pellegrin? Oui. Ouais. Il m'avait dit, Helena, faut pas vous inquiéter, c'est un sujet qui sera toujours universel. Ouais. Et alors ça a été curieux, parce que la pièce était très très belle, je vous dis, et... Il ne l'a pas vu, hélas. Et ça n'a pas marché parce que Khrouchtchev est venu à Paris à ce moment-là et que les gens n'ont pas trop osé en parler. Voilà. Parce que Khrouchtchev était là. Oui. Il aurait dû venir la voir. Hein. Peut-être qu'il aurait dû venir la voir, mais enfin, il n'est pas venu la voir. Oui, parce que voir. Le zéro et l'infini est un monument d'anticommunisme. Voilà. Donc, il aurait dû venir la voir. Bon, ben enfin, c'est comme ça. Bon, ça, c'est l'histoire du théâtre, vous voyez. Et alors, comment Camus s'est-il retrouvé au Théâtre Antoine ? Eh bien, grâce à moi. Enfin, grâce à moi et grâce à lui. Parce que quelques années avant, ma mère avait à ce moment-là une propriété dans le Midi. Donc Madame Berriot, il faut préciser ma mère, ça. Simone Berriot. Avait une propriété dans le Midi. J'étais en train de soigner mon fils qui avait la varicelle et je ne voulais pas le quitter parce qu'il était petit. J'avais peur des dégâts de la varicelle à l'époque et j'étais restée près de lui. Et j'avais quelqu'un à la maison et je téléphonais, etc. On me disait, oh non, il y a un monsieur, je ne sais pas comment, on ne pouvait pas me dire le nom. Bon, oh, mais il rappellera sans doute, madame, bon, très bien. Bon. On est quoi, on est en 58, là, à peu près Je ne me souviens pas des années, peut-être avant 58. Mmh. Alors, voilà. Je rentre et puis, bon, je fais des recherches et je finis par savoir que c'était bel et bien Camus qui avait téléphoné. Et j'apprends qu'il montait à Angers, parce qu'il s'occupait du Festival d'Angers, c'était la première reprise de Caligula, qui avait été créée dix ans avant, avec Michel Bouquet. Avec Michel Bouquet et avec le grand Gérard Philippe. Voilà, exactement. Et je dis, ah. Bon. Et puis, bon, j'apprends qu'il avait fait une distribution pour Angers, Marguerite Jamois et Michel Auclair. Et puis, bon, je dis, bon, bah, tournons la page. Et puis, à la rentrée, je reçois un coup de téléphone de Camus, de me demandant si je pouvais aller le voir chez Gallimard, etc. Alors, naturellement, je dis oui. Donc vous allez rue Sébastien Botin. J'avais un peu peur, j'étais un peu intimidée. Il avait déjà eu le Nobel. Hein. Il avait eu le Nobel l'année d'avant. C'est ça. Exactement. Ouais. Il avait Nobel et il avait Lourmarin. Et il avait eu Lourmarin, il venait d'acheter Lourmarin. Oui, voilà. Alors, j'étais très, très intimidée quand même. Et puis je m'étais remuée et j'ai dit, bon, maintenant ça y va. Et puis, en fait, j'étais très très contente, j'avais l'impression que j'avais été tout à fait bien, mais en fait, ma timidité, paraît-il, il l'avait bien vue, il l'avait tout à fait vue. J'étais très impressionnée, et pourtant, c'est terrible à dire, parce que cet homme était tellement charmant, adorable, gentil, humain, que je n'aurais pas dû être intimidée à ce point et j'étais impressionnée. Mais peut-être que lui aussi était impressionné. Il n'aimait rien tant que les acteurs et en particulier les actrices. Donc les acteurs et les actrices. Excusez-moi. Peut-être, peut-être les actrices mais les acteurs aussi. Il aimait beaucoup les acteurs. Regardez, là, il a été fidèle à beaucoup d'acteurs. Et dans Les Possédés, regardez à qui. Il a donné des acteurs qui étaient très bien, mais à qui il a donné le coup de pouce qui a été leur grande chance. Pierre Vanneck, par exemple. Pierre Vanneck avait déjà fait de très très belles choses. Charles Denner. Roger Blin, il avait fait beaucoup de choses. Mais vous avez la liste, là. Vous avez même quelque chose de très bien, là. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le programme. Ah. Je ne vous le donnerai pas, Prêtez-le-moi. Mais je vous le prête. D'accord. Alors, vous allez voir la liste des acteurs. Là, on a le programme. C'était fantastique. Donc, Théâtre Antoine, sous la direction de Simone Berriot. Oui. Donc, votre maman. Oui, ma mère. Voilà, votre mère, qui dirigeait le Théâtre Antoine depuis 1943. Oui, exactement. Ça m'a beaucoup gênée qu'elle prenne un théâtre. Et pourquoi ? C'est très gênant. Parce que moi, ça faisait déjà 8 ans peut-être que je roulais ma bosse, si vous voulez. Conservatoire, Odéon pendant 1 an et demi quand j'étais au conservatoire. Pendant la guerre, j'ai joué différentes choses. J'ai joué le Faust de Valéry, j'ai fait toutes sortes de choses. Et tout d'un coup, qu'elle prenne un théâtre, je me suis dit, c'est gênant, elle a une grande personnalité, elle est très connue. Et tout d'un coup, les gens vont dire, c'est pas la peine qu'on la prenne parce que sa mère la fera travailler. Or, c'était tout à fait le contraire. Parce que ma mère, au départ, ne voulait pas que je fasse de théâtre. Et quand j'ai dit que je voulais faire du théâtre, elle m'a dit, bon, nous verrons quand tu seras majeur, tu feras ce que tu veux. Mais en attendant, tu y réfléchiras. Cette année, tu iras apprendre à tailler la vigne et à t'occuper de la propriété. Et je suis partie tailler la vigne, apprendre à m'occuper de la propriété, ce qui ne m'a servi strictement à rien. Pendant qu'elle reprenait le théâtre hein. Non, quand moi, j'ai voulu faire du théâtre. C'est ça. Parce qu'elle, tout d'un coup, elle a décidé... elle était chanteuse, elle avait une très, très belle voix qu'elle avait perdue à cause d'une histoire de poivre sur... Je ne veux pas dire le mot, puisque nous sommes dans un théâtre vocal, chose vocale. Et à la suite de ça, elle s'était montée elle avait fait du cinéma. Elle avait monté même avec Pierre Lazareff une maison de production. Et elle avait joué plusieurs films, dont La tendre ennemie, qui était un film de Jean-Paul Antoine. Et nous sommes dans les lieux du père. Mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est curieux. Hein. Et on est dans la loge du père de Jean-Paul Antoine. Oui, exactement. Qui a même cette loge, c'était plus que sa loge. Il habitait là. Ah, il habitait là. Oui, il habitait là. Alors là, dans le livret de Dostoïevski, enfin des possédés, donc, oui. On a la photo de Michel Bouquet, de Catherine Seller, oui. De Pierre Blanchard, ouais, vous voyez. De Charles Denner, de Roger Blin. Ils sont tous très très jeunes. Oui, moyennement, certains et certains très jeunes. Pierre Vanneck, on dirait qu'il a 12 ans et demi. Il n'était pas bien vieux, Pierre. Il fallait que le rôle était jeune, très jeune. Il avait joué avant le Sud de Julien Green. Et oui. Alors, Camus vient d'acheter la propriété de Lourmarin, puisqu'il vient d'avoir le prix Nobel, oui. Donc il a les moyens, il achète la propriété de Lourmarin. Oui. Il y avait des répétitions en cours pour l'adaptation du Requiem pour une nonne. Non, ça se jouait. Le Requiem, c'était en train de se jouer. Le Requiem se jouait, était triomphal. Alors j'étais très intimidée d'ailleurs parce que j'avais été très très impressionnée. Il faut dire vous l'aviez vue. Oh, c'était magnifique et puis elle était magnifique, elle était superbe, Catherine. Catherine Sellers. Oui. Et alors d'abord, c'est comme ça que je joue moi avec lui. Il revient de ce festival. Il revient de ce festival parce qu'on s'est vu comme ça comme pendant un bon moment. Et finalement, il m'a donc demandé de reprendre le rôle de Caesonia et que nous avons joué. Donc dans Caligula. Dans Caligula, il avait pris quelqu'un de jeune qui avait l'âge du rôle, 28 ans, qui était... je vais avoir le trou de mémoire. Qui n'était plus Gérard Philippe. Non, qui était Jean-Pierre... je vous le dirai tout à l'heure, je ne connais que lui. Il y a une photo de lui, d'ailleurs. Là derrière, je sais qu'en ce moment, il travaille beaucoup, il fait beaucoup de choses. C'était Jean-Pierre Joris. Jean-Pierre Joris. Hein, voilà. Alors, Joris avait l'âge du rôle à ce moment-là. C'est pas Jean-Pierre Marielle ? Non. Parce qu'il a fait, il a fait jouer Jean-Pierre Marielle, mais oui. en Caligula, c'était... Dans Caligula, à Angers, et je regrette beaucoup parce que j'aurais adoré jouer avec Jean-Pierre Marielle. Mais ça n'a pas été de chance, ça a été comme ça. Non, il a changé presque entièrement sa distribution. Et finalement, ça devait être monté chez Radiffé, ce théâtre que j'adore, qui est un théâtre extraordinaire, où il y a tout eu, Marcha, Iran, les Pitoyev. C'était le théâtre des Mathurins. Le théâtre des Mathurins. Un magnifique théâtre. C'était le théâtre de Madame Haribord, et elle n'était pas d'accord avec le garçon qu'il avait choisi. Et à ce moment-là, Elvire Popesco avait le théâtre de Paris et ouvrait une salle. Elle avait voulu monter un spectacle qu'elle ne montait pas et elle a tout d'un coup absolument voulu que ce soit Camus qui fasse l'ouverture. Et donc on a fait l'ouverture du théâtre qui s'appelait, qu'elle avait appelée moderne. Et c'est là que nous avons fait cette reprise, qui n'était pas le lieu idéal pour Camus. Mais Camus était comme ça. Il y avait des acteurs qui l'attendaient. Et c'était important pour lui de sacrifier quelque chose pour être fidèle à sa parole. Albert Camus, voulez-vous d'abord nous rappeler ce que vous avez séduit dans le personnage de Caligula ? Pourquoi vous l'aviez choisi comme personnage de théâtre ? Je l'ai choisi comme personnage de théâtre après une lecture des 12 Césars de Suétone. J'ai trouvé que parmi les 12 tyrans ou tyrannos qu'évoquait Suétone, celui-là était certainement le plus intelligent. Est-ce que vous n'avez pas été amené à modifier le texte de Caligula depuis la création ? J'ai développé un personnage pour qui j'ai une sorte d'affection dans la pièce, qui est le personnage d'Hélicon, et que j'ai développé et mené jusqu'à la fin de la pièce, alors qu'il disparaissait à peu près au troisième acte, si mes souvenirs sont bons. Et quel est son rôle ? C'est un petit peu le rôle du cœur dans la tragédie antique. Et avez-vous pu adapter très facilement cette nouvelle version de Caligula à la scène du Nouveau Théâtre de Paris ? Eh bien, ce qui m'a amusé, c'est qu'à Angers, je l'ai mis en scène sur un plateau de 50 mètres, et qu'ici, je le mets en scène sur un plateau de 6 mètres. C'est par conséquent, ce qui était une grande machine coloriée et extrêmement animée devient, ou plutôt devrait devenir, si tout allait bien, une sorte de bijou raffiné. Quand il mettait en scène, pendant les répétitions et pour faire travailler ses acteurs, il y avait deux temps de lecture. Un temps de lecture assis autour d'une table et une seconde lecture en mouvement où il disait à ses acteurs de bouger comme bon leur semblait et de s'asseoir quand ils en éprouvaient le besoin. Enfin bref, de faire ce que le texte leur inspirait. Oui, mais... Vous vous souvenez de ça ? Oui, mais ça c'est une chose qui arrive souvent parce qu'il avait compris, il savait... que le premier temps, c'était au fond ce travail autour de la table pour être juste sur ce que l'auteur veut dire. Et puis après, quand on commence à marcher un texte, on ne dit plus tout à fait le texte de la même façon. Et puis il faut aussi, dans le corps, apprendre à marcher le personnage. Vous dites marcher comme si c'était un verbe transitif. Marcher le texte, oui, marcher parce le personnage. Que, enfin, moi, ça a toujours été un travail que j'ai considéré important. On ne peut pas marcher un personnage comme on le marche dans la ville, dans la vie. Non, bien sûr. Il faut penser à comment ce personnage aurait pu marcher. Et alors vous, quand vous faisiez Quesonia, oui. Comment vous l'avez pensé ? Moi, je descendais beaucoup d'étages. Oui, j'avais un énorme escalier. Comment vous l'avez préparé ? Comment vous avez travaillé là-dessus ? Je l'ai écouté et puis finalement, bon, d'abord ce texte était magnifique à dire. Puisque c'était la vieille maîtresse au sens... Mais qui lui est toujours fidèle en fait. C'est pour ça qu'il l'appelait la vieille maîtresse, parce qu'elle était là depuis plusieurs années. Ce n'était pas une question d'âge, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'âge d'être une vieille maîtresse. Si, peut-être pour la longue, peut-être si en 10 ans, on est une vieille maîtresse. C'était ce qu'il voulait dire. Bien quoi. Sûr. Voilà. Alors, de toute façon, lui ayant 28 ans, peut-être depuis l'âge de 18 ans, j'étais sa maîtresse, j'en sais rien. Tu pleures ? Oui, Quesonia. Mais enfin, qu'y a-t-il de changé ? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne suffisait pas pour que sa mort te chasse 3 jours et 3 nuits dans la campagne et te ramène avec ce visage ennemi. Qui te parle de Drusilla, folle ? Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour ? Pardon, Caius, mais je cherche à comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, Quesonia. Mais reste près de moi. Je ferai ce que tu voudras. À mon âge, on sait que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter ? Tu ne peux pas comprendre. Qu'importe. Je sortirai peut-être de là, mais je sens monter en moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux ? Oh, Quesonia, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais, comme tout le monde, que c'était une maladie de l'âme, mais non, c'est le corps qui souffre, ma peau me fait mal, ma poitrine, mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Il faut dormir. Dormir longtemps. Se laisser aller et ne plus réfléchir. Je veillerai sur ton sommeil. À ton réveil, le monde pour toi recouvrera son goût. Fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Ce qui est possible mérite aussi d'avoir sa chance. Mais il y faut le sommeil, il y faut l'abandon, cela n'est pas possible. C'est ce qu'on croit au bout de la fatigue. Un temps vient où l'on retrouve une main ferme. Mais il faut savoir où la poser. Et que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant, si je ne puis changer l'ordre des choses? Si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus? Non, Quesonia, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Mais c'est vouloir s'égaler aux dieux. Je ne connais pas de pire folie. Toi aussi tu me crois fou? Et pourtant qu'est-ce qu'un dieu pour que je désire m'égaler à lui? Ce que je désire aujourd'hui de toutes mes forces est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, qu'un beau visage devienne laid, un cœur d'homme sensible. Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Il y a le bon et le mauvais, ce qui est grand et ce qui est bas, le juste et l'injuste. Je te jure que tout cela ne changera pas. Ma volonté est de le changer. Quand on a un texte comme Caligula... Oui. À interpréter, oui. Qui est un texte très dense, oui. Qui est une... Certains ont dit que c'était une pièce froide, parce que c'était une pièce très intelligente, oui. À laquelle on reprochait justement, oui. Son intelligence, oui. Parfois glacée. Oui. On reprochait à Camus de vouloir mettre ses idées en forme, oui. Via le théâtre ou par la littérature. Mais pourtant, le personnage de Quesonia est un personnage de chair et de sang. Oui, absolument. Et quand vous l'avez incarné, vous ne l'avez pas incarné de façon froide. Non, pas du tout. C'était pas ce qu'il attendait, d'une certaine façon. Non, pas du tout. Ça. C'est un personnage humain. Tout à fait. Humain. Oui, parce qu'elle est étrange, parce qu'elle aime cet homme qui, oui. Ne l'aime plus. Oui. Mais il a besoin d'elle. Et il a besoin d'elle. Hein. Mais donc elle se sert du besoin qu'il a d'elle. Il a toujours besoin d'elle. Même au moment de la tuer. Même au moment de la tuer. C'est peut-être pour ça qu'il la tue. Au début de la pièce, elle pose très clairement qu'elle ne lui plaît plus. Oui. Mais elle va rester à ses côtés, quoi qu'il fasse, quoi, oui. Qu'il décide et quoi, oui. Qu'il arrive. Comment vous expliquez cette fidélité dans l'esprit de Camus, d'une femme comme Quesonia à Caligula? Parce que ce sont des choses qui arrivent, ça. C'est des choses qui arrivent, et puis cette femme avait une personnalité. C'est un personnage qui a de la personnalité, ce personnage de Quesonia. Et que probablement aussi elle l'aimait et qu'elle savait qu'il avait besoin d'elle. Mais c'est extraordinaire que Quesonia, qui l'aimait, qui avait tellement de personnalité, tellement de force, puisqu'on voit bien cette force qu'elle met à mater les patriciens, elle met cette force au service d'un tyran, c'est-à-dire qu'elle est en même temps dans une démarche de servitude. Oui. Toute sa personnalité, et elle se donne comme destin celui d'une esclave. Mais il y a des choses étranges dans la vie aussi. Excusez-moi, mais il y a quand même des choses étranges dans la vie. Alors, elle était comme ça, et il a voulu qu'elle soit comme ça. Ouais. Oui, mais je ne me l'explique pas. Non, c'est inexplicable. Mais c'est inexplicable, mais c'est humain aussi, ça. Il y a des êtres qui sont comme ça. Finalement, Camus était bon parce qu'il ne disait pas, parce qu'il laissait implicite. Oui, oui, absolument. Laisser aux êtres de sentir ou ne pas sentir, de juger. Ou de ressentir. De là, probablement, la concision avec laquelle il écrivait, non ? Mais, en fait, c'est fou. Dans la pièce, il fait mourir Quesonia. Oui, absolument. Et vous mouriez où ? Enfin, comment ça se passait ? Eh bien, il m'étranglait et je tombais. Voilà. Devant. Devant, ouais. En avant-scène. Oui. Et, et donc, il y avait un grand escalier derrière ? Oui, un énorme escalier. C'était un énorme escalier. Dans quel théâtre, à ce moment-là ? Eh bien, c'était là, au théâtre moderne. Un petit théâtre, petit de Paris. Théâtre de Paris. D'accord. Alors évidemment, il aurait fallu une salle un tout petit peu plus grande, mais enfin bon. L'escalier donnait de la profondeur. Le décor était assez profond. Tu permets, Caius? Eh bien, approche. Alors, ma jolie, on vient revoir Vénus. Oh non, ce n'est pas cela. Chut, chut. Oh, pardon, Caius. Non, je voulais dire, tu sais que je t'aime beaucoup et je ne demande qu'à finir mes vieux jours dans la tranquillité. Pressons, pressons. Oui, bon, très bien. Enfin, c'est très grave, voilà tout. Mais non, ce n'est pas grave. Quoi donc, Caius? Mais de quoi parlons-nous, mon amour? C'est-à-dire, un complot contre toi. Tu vois bien? C'est ce que je disais. Ce n'est pas grave du tout. Mais Caius, ils veulent te tuer. Sais-tu pourquoi je ne puis pas te croire? Si ce que tu dis était vrai, il me faudrait supposer que tu trahis tes amis, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Caius, que mon amour pour toi fait que... Et je ne puis pas supposer cela. J'ai tant détesté la lâcheté que je ne pourrais jamais me retenir de faire mourir un traître. Et assurément, tu ne voudras ni trahir, ni mourir. Assurément, Caius, assurément. Tu vois bien que j'avais raison de ne pas te croire. Tu n'es pas un lâche, n'est-ce pas? Oh non. Ni un traître. Cela va sans dire. Par conséquent, il n'y a pas de complot, dis-moi. Ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie, Caius. Une simple plaisanterie. Personne ne veut me tuer. Cela est évident. Non, personne, bien sûr, personne. Alors disparais, ma jolie. Un homme d'honneur est un animal si rare en ce monde que je ne pourrais en supporter la vue trop longtemps. Il faut que je reste seul pour savourer ce grand moment. Alors donc, on a fait notre série de représentations, et puis on s'est pas quitté, on s'est retrouvés souvent, et puis il parlait des possédés, et c'est moi qui lui dit, mais il faudrait peut-être en parler au Théâtre Antoine, à ma mère, parce que une pièce comme ça, avec autant d'acteurs, je crois qu'il y a le plateau qu'il faut, la salle qu'il faut, il faudrait lui en parler. Évidemment, c'était un spectacle très lourd à monter pour un théâtre privé déjà à l'époque. Parce que vous avez vu le nombre d'acteurs. Oui, oui, bien sûr. Ben, bon. Et puis il y avait 8 tableaux. Enfin, c'était. Oui. Ça durait 3h30. Oui, mais ça semblait pas long. Hein. D'ailleurs, il avait fait appel à un décorateur qui avait été un décorateur de cinéma Maillot, qui avait fait les décors. Il paraît que pour la 100e des possédés, juste pour l'anecdote, il paraît que pour la 100e des possédés, il a fait une blague, il a remplacé l'eau par la vodka. Et il y a un moment où Michel Bouquet doit boire de l'eau sur scène. Ben, c'est possible qu'il l'ait fait. Parce que de toutes les façons, il arrivait tous les jours avec de la vodka et avec des choses russes pour que les comédiens s'habituent à boire un petit peu de vodka, à manger un petit peu de... je sais pas quoi, enfin... Parce que c'était russe et qu'il fallait que l'ambiance soit russe. Il fallait que l'ambiance soit russe. Alors, des disques, aussi de la musique russe, il amenait... Il faisait passer de la musique russe dans le théâtre. Exactement, pendant les répétitions. Pour les mettre dans une ambiance spéciale, et qu'il avait réussi, puisque... tous, ils ont quand même pas joué de la même façon que s'ils avaient joué un Molière, voilà. C'était important. Et puis c'était un texte difficile, c'était un texte dont d'ailleurs, il paraît, aucun des acteurs ne l'avait lu avant que Camus le mette en scène, parce que c'est un texte difficile de Dostoïevski, qu'on lit peu, et il paraît que les acteurs ne l'avaient pas lu avant de le lire, avant de lire l'adaptation qu'il en avait faite. Oui, qu'il avait fait une très très très belle adaptation, d'ailleurs ça a eu un très beau succès. Hein. Vous vous souvenez du jour où vous avez eu le texte entre les mains, quand il vous a donné l'adaptation? Non, je ne me souviens pas de ce jour-là. Parce que moi, pendant ce temps-là, je faisais une tournée. Il m'avait demandé de faire la tournée du Requiem pour une nonne. Mais je ne jouais pas le rôle de Catherine Sellers, qui ne jouait pas son rôle, c'était Dominique Blanchard. Mais je jouais le rôle de la noire, qui est un rôle très, très important. Et très difficile. Et que j'ai eu beaucoup de bonheur à jouer. Et donc, vous étiez en pleine tournée. Oui, mais fort heureusement, les tournées étaient un petit peu comme ça. Donc, vous aviez le temps de revenir. Si bien que je revenais, et je me précipitais au Théâtre Antoine, voir les répétitions. Et alors, il était là à quel moment de la journée? Oh, il était là tout le temps. Ah, il était là tout le temps? Oui, il était là. Pendant les répétitions, il était là? Oui, il était là tout le temps. Oui. Tout le temps, tout le temps. Tout d'un coup, il a voulu ne pas avoir une assistante qui soit une assistante spécialement D'ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas tellement d'assistants. Alors, il avait, par Gallimard, connu une femme qui avait autrefois voulu faire du théâtre et puis qui y avait renoncé parce qu'elle s'était mariée et qui s'embêtait un petit peu. Il l'avait rencontrée et il lui avait dit « Vous ne voulez pas être mon assistante ?» C'était Suzanne Labiche, non ? Non, pas du tout. C'est une femme qui s'appelle Jeannine Devineau. Parce que il pensait à ses enfants, il pensait à sa femme. Il fallait à certaines heures donner des coups de fil, parce que les enfants étaient petits. Il y avait toute sa vie. Vous voyez, il pensait à toute sa vie. C'était extraordinaire, et on le sentait, ça. C'est ça, il était jamais... Il s'absentait jamais d'un lieu, il était présent partout. Il était présent partout. Je sais qu'à certaines heures, il fallait qu'elle aille téléphoner pour dire, pour savoir comment sa femme allait, comment les enfants allaient, qu'il pensait à eux, que ceci, que cela, qu'il ne pouvait pas venir maintenant, qu'il viendrait un peu plus tard, enfin, etc. Vraiment présent toujours. Et alors, vous étiez là le soir de la générale, j'imagine. Oui. Il paraît qu'à la générale, d'abord il y avait Malraux. Qui était là, oui. Qui avait fait prévenir dans l'après-midi qu'il prendrait une loge au théâtre. Il y avait Malraux, il y avait Pompidou dans la même loge que Malraux, le préfet Papon, Aragon et Elsa qui étaient là. Vous avez le souvenir de ça ? Non, pas du tout. Vous vous souvenez pas de la générale ? Non, pas du tout. Il paraît que la générale... J'ai horreur des générales. J'ai horreur de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. D'ailleurs, moi, je n'en fais plus. Mais dans les générales, le spectacle est dans le public. Oui, mais le public n'est pas toujours dans le théâtre. Le public, quelquefois, est dans ses problèmes personnels. C'est affreux de les entendre si on est spectateur soi-même. On se dit, et d'ailleurs, moi, je ne vais plus dans les générales, moi, en tant que spectatrice, je n'y vais plus. Parce qu'il y a quelque chose de faux d'entendre parler ces gens. On se dit, mais est-ce qu'ils viennent vraiment voir un spectacle? Est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils vont voir? Est-ce qu'ils y pensent une seconde? Est-ce qu'ils pensent aux acteurs qu'ils vont voir? Est-ce qu'ils s'intéressent au programme? À quoi ça sert le programme alors? Il y a un désintérêt total. Alors, moi, si je vais dans un théâtre, d'ailleurs, finalement, les trois quarts du temps, j'y vais seule. Parce que j'ai peur d'être troublée par des gens qui ne sont pas du même avis que moi ou qui vont me parler de la pluie et du beau temps. Je m'en fiche à ce moment-là. Et j'ai envie de m'intéresser à ce que je vais voir, à me mettre dans le coup. Mais est-ce que ce n'est pas la raison, d'ailleurs, la raison que vous donnez là? Est-ce que ce n'est pas aussi la raison pour laquelle Camus aimait le théâtre au-dessus de tout, finalement? Que c'est un lieu où on ne peut pas être à moitié? Mais probablement. C'était un endroit où il se réconciliait avec lui-même. Mais oui, parce que j'ai quand même vu ici pas mal d'auteurs. Dans ma vie personnelle de comédienne, j'en ai vu aussi. Parce que vous avez joué, par exemple, notamment, c'était sous la direction de Sartre, dans La Putain Respectueuse ? Non, je suis désolée de dire que ça n'était pas sous sa direction. Mais j'étais très contente que ce ne soit pas sous sa direction. Pourquoi ? Parce que je n'aurais pas aimé travailler avec lui. Je le remercie beaucoup de m'avoir quand même fait confiance. Parce qu'il a amené cette pièce 8 jours après. Cette pièce a existé pour une raison simple. C'est qu'il avait écrit Mort sans sépulture, qu'ils ont fait une lecture de Mort sans sépulture extrêmement rapide. Et que Sartre, qui avait déjà présenté 8 clos, avec toujours la même équipe, Gaby Sylvia Vitold et Balachova, il avait dit maintenant cette pièce est trop courte, il faut que je la complète. Et il avait dit à ma mère, à Simone Berriot, il lui avait dit j'ai un sujet, c'est un fait divers qu'on m'a raconté récent, qui s'est passé aux États-Unis et je veux en faire une pièce, je pars 8 jours et je vous donne la pièce. Et il est revenu 8 jours après avec la Putain respectueuse. Et j'ai eu une chance, c'est que je venais de concourir pour le Faust de Valérie. Et avec Pierre, succès. Avec Pierre Franck, on avait eu le prix. Et c'est Salacrou qui lui a dit, tu peux prendre cette petite, elle est très bien. Voilà. Armand Salacrou. Voilà, oui. Alors c'est comme ça que j'ai joué la putain respectueuse, qui a fait le succès du spectacle d'ailleurs. Oui, c'était la putain respectueuse, plus que Mort sans sépulture. Oui. Alors là, bon, ça je vous passe parce que nous ne sommes pas sur Sartre en ce moment. Mais enfin bon, ça a été très, très dur parce que aussi il y avait des cabales. Alors il y a eu les cabales contre Mort sans sépulture. Alors après, ça a été les cabales contre la putain respectueuse, etc. Mais on en est sorti. Et puis la putain respectueuse, on a donc répété, nous, dans notre coin, avec un sociétaire de la Comédie Française qui était merveilleux, et on a répété tranquillement, et quand on a présenté notre spectacle, il était prêt. Alors, d'où la photo qui existe, où je suis avec ma mère et Sartre, etc., parce qu'il n'y avait rien à dire. Paraît-il, il n'y avait rien à dire. Après, c'était au public de juger. Ah, j'étais sûre que tu viendrais, j'en étais sûre. Ah, où es-tu entrée ? Par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu veux ? Cachez-moi. Oh, je t'ai dit que non. Vous les entendez, madame ? Oui. C'est la chasse qui a commencé. Quelle chasse ? La chasse aux nègres. Ah. Oh. Tu es sûr qu'ils ne t'ont pas vu entrer ? Sûr. Mais qu'est-ce qu'ils te font s'ils te prennent ? L'essence. Quoi ? L'essence sur moi. Ils y mettront le feu. Oh, je vois. Assieds-toi. Oh, merci. Oh, il a fallu que tu viennes chez moi. J'en aurais donc jamais fini. J'ai horreur des histoires, comprends-tu ? Horreur, horreur, horreur ! Il croit que je vous ai porté tort, madame. Après ? Ils viendront pas me chercher ici. Sais-tu pourquoi ils te font la chasse ? Parce qu'ils croient que je vous ai porté tort. Sais-tu qui leur a dit ? Oh non. C'est moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Oh. Pourquoi avez-vous fait ça, madame ? Oh. Pourquoi avez-vous fait ça ? Je me le demande. Mais ils n'auront pas de pitié. Ils me fouetteront sur les yeux. Ils verseront sur moi leur bidon d'essence. Oh, pourquoi avez-vous fait ça ? Je ne vous ai jamais porté tort. Oh, si, tu m'as porté tort. Tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as porté tort. T'as pas envie de m'étrangler ? Il faut souvent les gens à dire le contraire de ce qu'ils pensent. Oui, souvent. Mais quand ils peuvent pas les y forcer, ils les embrouillent avec leur boniment. Alors non, tu m'étrangles pas. T'as bon caractère. Je te cacherai jusqu'à demain soir. Oh, mais si... Ne me touche pas, j'aime pas les nègres. Mais même si vous n'avez pas travaillé sous sa direction, vous pouviez faire la différence entre Camus et Sartre. Hein. Oh oui, tout à fait. Ça n'a rien à voir. Non, rien. Je ne nie pas le talent de Sartre, bien sûr, hein, bien sûr. Et que pour le théâtre Antoine et que pour ma mère, ça a été formidable parce qu'elle lui a signé sur ce bureau où je suis. Elle lui avait préparé un papier de la SACD en lui disant « Sartre, vous me signez votre prochaine pièce ». Et il lui avait dit « Mais ma prochaine pièce, je ne sais pas si j'en écrirai une autre. Eh bien, vous me signez votre prochaine pièce ». Et il lui a signé toutes ses pièces. Et la dernière qui n'a pas été signée, c'est parce que c'était Les Séquestrés d'Altona et que, à cause de Vue du Pont, qui était un triomphe, Peter Brook a demandé qu'on fasse un échange, que ceci, que cela. Et au retour de tournée, et Sartre a compris et a dit « Écoutez, Simone, louez, vous avez bien un théâtre à louer ». Et il y avait La Renaissance qui était libre avec Vera Coren, directrice, et elle s'est arrangée avec Vera Coren, elle a loué le théâtre. Elle a monté Les Séquestrés d'Altona, mais elle a oublié d'emmener son bureau avec la feuille. Il n'y a curieusement plus jamais eu de pièce. Il n'a plus jamais écrit une pièce. C'est curieux. Mais donc, c'était pas le même caractère. Pas du tout. Et puis, il y avait toujours des femmes dans la salle qui jugeaient, qui ceci, qui cela. C'est pas du tout. Et puis, avec Sartre, et vous voulez dire. Oui, et puis, ils ne ressentaient pas le théâtre comme Camus. Pas du tout. Camus fait du théâtre depuis qu'il a 17 oui, ans. Exactement. Et ça, c'était perceptible. Oui. Donc, ça ne peut pas être comparable. Peut pas. Pour moi, c'est totalement différent. Mais la différence était une différence de caractère Oui, le talent n'était pas placé de la même façon, le caractère aussi. Voilà. On décrit souvent Camus comme un personnage solaire, alors que Sartre est plus attiré par l'ombre, le oui. clair-obscur, oui. les zones sombres de l'existence. Et que même quand Camus décrit la mort... Il y a quand même quelque chose. Il y a toujours un oui. rayon de soleil. Et oui. il paraît qu'il exigeait que la scène soit très éclairée. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, c'était très éclairé. Pourquoi ce parti pris, d'après vous? Vous savez, c'était une époque où la lumière était moins importante qu'elle ne l'est maintenant sur un plateau. Le premier homme qui avait fait des lumières extraordinaires, c'était au Théâtre Montparnasse, et puis aussi le patron. Le patron. Jouvet. Oui, bien sûr. On l'appelait le patron. Mais les gens passaient un peu à côté de la lumière, hein, même aux Français, à l'Odéon, tout ça, la lumière, on était éclairé, disons. Il y a un homme qui a beaucoup commencé à travailler la lumière, c'était Raymond Rouleau, qui, après les répétitions, restait jusqu'à 3 heures du matin à faire ses éclairages. C'est venu après, hein, la lumière. Alors, Sartre, probablement, huis clos, c'était pendant la guerre. Il ne s'est pas préoccupé de ça, quoi. Puis ça se passait en enfer. Et puis ça se passait en enfer. Mmh. Oui, exactement. Et Camus, lui, insistait sur la lumière. Oui. Oui, il se préoccupait de plus de choses. Et puis les possédés, c'était quand même 10 ans, 15 ans après. Hein. Mais peut-être qu'à Héberto, à la création de Caligula, peut-être qu'il a veillé sur la lumière, c'est possible. Donc vous avez peut-être Villard a fait beaucoup aussi pour ça. Vous avez eu affaire à Camus de deux manières, puisque vous avez travaillé sous sa oui, direction, oui, oui. et vous avez été spectatrice de lui, metteur en scène. Oui, c'est ça. Oui, et puis en fait, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas beaucoup quitté, on s'est téléphoné, on ne se perdait pas de vue. Je crois qu'il avait beaucoup d'amitié pour moi et moi j'en avais beaucoup pour lui aussi. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de mettre la photo dans l'escalier des artistes, hein? À quelle occasion? Eh bien, parce que je vous dis, il y avait cette photo de Cocteau qui traînait dans un coin. Mais je ne voulais pas le laisser seul parce qu'il y avait quand même eu au théâtre la dernière pièce montée par le patron. La dernière, hein, trois mois avant sa mort. Avec Brasseur, c'était quand même... Et Villard, à qui on a rendu sa liberté pour aller créer Chaillot. C'est quand même fantastique, ça. Et je ne veux pas oublier Maria Cazares. Alors, ça ne s'oublie pas. Alors, donc, c'était une photo que je voulais en grand. Il y avait ma mère dans sa... Parce que dans l'escalier des artistes, hein, je précise, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ouais, qu'il y a donc une grande photo de Cocteau, ouais, quand on monte, ouais, et un peu plus haut, il y a donc la photo de Jouvet. Ouais. Et alors, j'ai eu pu avoir cette photo. Je vous dis, j'ai attendu parce que je trouvais en plus que ces hommes étaient en quelque sorte tous dans un théâtre. Hein, ils étaient tous dans un théâtre. Ils étaient tous un peu dans la même situation de regarder avec une grande tension la salle, d'observer les comédiens, et je trouvais que c'était extraordinaire de les voir là, tous et différents en même temps. Et je tenais à avoir ça, parce que je trouvais que c'était quand même très précieux dans un théâtre. Ce qui est frappant dans la photo de Camus, c'est le sourire de félicité qui est le sien. Il oui. a un verre de vodka, vraisemblablement. Oh, il buvait pas tellement. Hein. C'est un verre à vodka. Il buvait pas beaucoup. Et il a incarné avec son stylo, oui, où manifestement il prenait des notes. Et là, ça devait être le temps d'une pause. Il a un sourire radieux. Oui. Alors, il y a une photo que je vous ai montrée aussi. Ah oui, où il se tient sur la rampe. Oui. Ça, alors là, c'est une photo, il a une cigarette dans le dos et il a un pied sur une chaise et il est manifestement en avant-scène et il a un petit texte dans la main. Voilà. Ça. Exactement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez formidable. parce que il y avait toujours des choses extraordinaires avec lui. D'abord parce que je pense que petit à petit, les gens, même les comédiens, ils sont pas tous arrivés conquis au départ, mais ils finissaient tous par être conquis par lui. Alors, bon, à propos des possédés, il y a eu une soirée extraordinaire, je vais vous dire. C'était une soirée, c'était l'après-midi. Des étudiants avaient loué toute la salle. Et ils avaient loué toute la salle à condition, naturellement, d'avoir un débat avec lui, après. Alors, ils ont assisté, et moi, j'étais dans un petit coin, et j'avais trouvé que ces étudiants étaient un peu froids, un peu comme ça, etc. Et je me suis dit, ça y est, c'est très bien maintenant, mais parce que les acteurs sont merveilleux, etc. Mais comment va se passer le débat? Ils sont sûrement là, avec l'idée d'être les plus malins, les plus forts, etc. Eh bien, ça n'a pas été ça. Et lui, il était comment? Il était sur scène? Alors, il était sur scène. Il s'était même mis tout à fait à l'avant-scène pour être tout à fait près d'eux. Un pied sur la rampe. Il y avait encore des rampes à l'époque. Et il était donc face à eux. Et puis, il leur parlait. Et il leur a répondu, c'est extraordinaire, par des petites phrases très... C'était très simple. Très simple, deux petites phrases comme ça, et puis toc, un petit truc qui cloque, était le plus fort, effaçait tout ce qu'ils avaient dit. Au théâtre, nous sommes forcés d'être solidaires, parce que, j'ajouterai tout à l'heure qu'il y a tout de même une solidarité sentimentale, mais enfin, je veux dire, nous sommes forcés d'être solidaires parce que le fruit de 2 mois de travail sur un plateau comme celui-ci, est un fruit que nous cueillons tous ensemble ou pas du tout. Je veux dire que l'échec d'une pièce rejaillit sur tous ceux qui participent à ce spectacle, de la même manière que son succès, eh bien, est une chose partagée par tous. C'est pourquoi le plus grand moment, je crois qu'aucun de mes camarades ici présents ne me contredirait, le plus grand moment de la pièce pour nous est le moment de sa fabrication, couronné naturellement par ce qu'on appelle la répétition générale. Il y a aussi, je me hâte de l'ajouter, une communauté sentimentale en ce sens que un certain théâtre est toujours fait par les mêmes gens. Il y a certainement, je crois, 6000 acteurs, je ne dirais pas en activité à Paris, mais il y a 6000 acteurs dont c'est la profession à Paris. Sur ces 6000, il y en a à peu près 500 distribués. Sur ces 500, vous pouvez compter qu'il y a une centaine qui feront toujours le même théâtre et que vous rencontrerez dans toujours les mêmes entreprises, si folles ou si insensées soient-elles, même quand il s'agit d'une entreprise comme celle-là. Ça prouve qu'ils ont les mêmes goûts, ça prouve qu'ils aiment les mêmes choses, et il est bien entendu qu'il n'y a pas de solidarité plus forte que celle qui commence par un amour et qui est sanctionnée par une nécessité. Il serait temps de vous envoyer quelques balles, vous avez sûrement des curiosités à satisfaire. Question. L'autre jour. Ah, il y a un volontaire au paradis. Oui, le paradis a la parole. Est-ce que l'un de vos personnages vous a plus particulièrement attiré? Stavrogin. J'ai naturellement le plus grand respect pour les enfants, n'est-ce pas? Ceci dit, c'est une question qui a du sens, mais peut-être pas aussi brutalement. C'est que, évidemment, les problèmes posés par un personnage comme Stavrogin sont des problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie. Et il n'y a pas de honte à l'avouer, mais je vous prie d'éliminer naturellement. Voilà. Il pouvait par exemple donner à un acteur un autre rôle que celui qu'il avait au départ, Mais en revanche, il ne fallait pas changer la lettre du texte. Oui, je ne l'ai pas vu changer de rôle. Non, moi, ce qui m'a amusé, c'est que la personne, je ne me souviens plus du nom de la comédienne qui était merveilleuse à la création dans le Requiem pour une nonne, elle était merveilleuse, c'est merveilleuse. Et il m'avait dit, Elena, je voudrais que vous jouiez ce rôle et je voudrais que vous oubliez ce que vous avez vu parce que je voudrais que vous me donniez ce que vous ressentez comme vous voyez le personnage. Alors, vous viendrez me le lire. Alors, ben, j'étais venue le lire, ma version à moi, et il m'avait dit... Vous l'aviez lu face à lui. Oui, et il m'avait dit, ben, c'est comme ça que je le veux. Voilà. Et c'était totalement différent. Mais voilà. Ça n'existe pas chez les gens, chez les metteurs en scène, non ? Oh, ben... C'est peut-être. Très rare, non ? Honnêtement, c'est une vertu très rare, faire suffisamment confiance. Ben, écoutez, ça peut peut-être quand même arriver. Parce que quand j'ai répété la sœur du très moins nommé Désir avec Arletty, je me posais beaucoup de questions parce que Raymond Rouleau ne me disait jamais rien. Alors je me disais, mais c'est épouvantable, il ne me dit jamais rien. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, qui ne doit pas aller. Alors j'ai fait un jour, je lui ai dit, écoutez Raymond, je suis un petit peu désolée parce que vous dites beaucoup de choses à tout le monde et moi, vous ne me dites rien. Alors, dites-le-moi si ça va si mal, etc. Et il m'a dit, mais je ne vous dis rien parce que vous êtes sur le bon chemin, que je n'ai rien à dire. Ça. Camus, donc, était de cette école-là. Alors, probablement que Camus ressentait les choses de la même façon. Il était de cette espèce-là, oui, probablement. Oui, c'est oui, ça. Oui. L'espèce rare des gens qui laissent la parole. Oui, mais d'ailleurs, il n'était pas... Parce qu'il y a des metteurs en scène qui sont franchement désagréables. Hein, qui peuvent être désagréables, qui peuvent vous coincer. Lui, pas du tout. Il ne coinçait pas les gens. Non, il les mettait sur le chemin. C'est ça. Il les mettait sur le chemin. Mais cet homme était un homme, il le disait lui-même dans ses livres, c'était un homme déchiré, était un homme français d'Algérie. Hein, donc il était de part et d'autre, il avait toujours accès à une vérité en regardant la vérité d'en face. Enfin, c'était un homme qui avait tellement de mal à prendre position. Il a beaucoup souffert, sûrement. Cet homme a beaucoup souffert. Énormément souffert. Son premier livre est magnifique. Le premier homme. Hein. Oui. Son dernier livre, vous voulez dire. Oui, qui est sorti après sa mort. Et dont il disait que ce serait son premier terminé, livre. Qui n'était pas terminé, oui, c'est ça. Vous avez aimé ce livre ? Ah oui, j'ai adoré. Pourquoi ? Parce que ça m'a bouleversée. Mais c'est bouleversant, mais... Ça m'a bouleversée parce que je trouve que tout est bouleversant dedans. Et pourtant, c'est un livre inachevé, alors que Camus lui-même, par exemple Jean-Claude Briseville, lui, a toujours refusé de lire ce livre. Oui, mais ça, c'est aussi un point de vue d'auteur. Peut-être, il dit, Camus retravaillait trop ses textes pour qu'on ait le droit de le lire alors que le texte est inachevé. Oui, mais de toutes les façons, bon, peut-être le texte aurait été, je ne sais pas, moi j'ai trouvé ça absolument bouleversant. Et au fond, ce qu'il écrivait, et il y avait toujours quelque chose de très bouleversant dans ce qu'il écrivait. Oui. On a retrouvé le manuscrit maculé dans la voiture, et c'est épouvantable. Oui, mais oui, c'est un moment où il était en train de faire la paix avec lui-même. Oui. Mais c'est probablement l'homme qui mettait en scène qui a écrit ce livre. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est l'écrivain pacifié. Oui. Quand il mettait en scène, celui que vous décrivez est un homme en paix avec lui-même. Oui, mais parce qu'il donnait cette impression aux gens. Mais moi, j'ai toujours pensé que cet homme avait quelque chose en lui de déchiré. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose. Il y avait une trop grande sensibilité, trop profonde. Il comprenait les gens très, très vite. Il comprenait très vite ce que vous pouviez être. C'était fantastique. Finalement, les gens qui sont comme ça sont des gens qui ressentent profondément, qui ont vraiment du cœur, qui ont vraiment une profondeur en eux et qui peuvent arriver à ressentir et à comprendre. C'est pour ça aussi que Il faisait travailler les gens d'une certaine façon, quoi. Selon un peu leur tempérament et leur caractère. Parce que il essayait pas d'agresser. Il choisissait ses acteurs, quand ah même. Ah oui, cette distribution est entièrement faite par lui. Ça. Entièrement. Mais une fois qu'il les avait choisis, c'était eux qui choisissaient leur rôle, de l'interpréter comme ils le voulaient. Oui, enfin, il les mettait quand même sur le chemin. Je crois. Vous ne voulez pas lire ces textes-là? Les prières de l'absent? Oui. Si vous voulez. Texte 1. Avec cette pièce, même en commençant à l'heure, vous avez toujours un quart d'heure de retard à rattraper. Texte 2. La pièce doit débuter en feu d'artifice, continuer en lance-flammes, s'achever en incendie. Alors n'oubliez pas, les pompiers brûlent tous les feux. Bizarre, les pompiers brûlent tous les feux. C'est fou, ça. Pourquoi il a écrit ça? Je sais pas. Parce qu'il avait peur. D'abord, je vais vous dire, il a dû penser aux pompiers parce que c'était l'époque dans les théâtres où il y avait des deux côtés de la scène, nous avions les pompiers, vous savez. Qu'on nous les a supprimés il y a quelques années. Ah oui. Mais il y avait des pompiers. Ils ont été remplacés par des extincteurs. Dans la petite guérite, là, qui est sur le côté, c'était des pompiers qui étaient là. Alors, il a dû penser à ça. Mais c'est vrai aussi que les pompiers brûlent tous les feux. Ben, les comédiens doivent tout d'un coup... Pchut. Le troisième texte est magnifique. Il dit « Les spectateurs qui vous aiment le plus sont le plus éloignés de vous. Aimez-les aussi. » Et dites-le leur d'une voix forte. Ils ont droit à tout le texte, c'est lointain. Oui, c'est pour ce là-haut. C'est ceux qui sont là-haut? Oui. Et pourquoi ceux qui sont là-haut aiment le plus les acteurs? Parce que souvent, ce sont des jeunes, parce que c'était des jeunes, parce que c'était des gens qui n'avaient pas les moyens d'aller au théâtre, et qui mettaient tous leurs sous pour aller au théâtre. Et donc c'était et à eux. Et pas donc des snobinards qui voulaient à tout prix y être pour pouvoir dire qu'ils y avaient été. C'était des gens qui avaient ça qui aimaient ça, et qui aimaient ça profondément, et qui aimaient entendre des beaux textes et voir de beaux acteurs. C'est beau le style de Camus, cette façon qu'il a de mettre des adjectifs en nom commun. Oui, oui. Il dit, parlant des lointains. Mais c'est une chose qu'on dit, hein, ça. Au théâtre? Oui. On le dit quelquefois. Ceux qui sont au premier, on parle... C'est-à-dire que, non, c'est un peu une chose qu'on entend maintenant des éclairagistes. Les lointains. Oui. Et alors le quatrième texte, donc quatrième prière de l'absent, ce n'est pas le comédien, mais le mouvement qui crée les effets. En revanche, le comédien fait le mouvement et recueille les effets. Il y a donc une justice sur Terre, à la condition que vous gardiez le mouvement. Oui, c'est extraordinaire, non? C'est formidable. Oui. C'est vous qui parliez tout à l'heure de marcher un personnage. Oui. C'est ça, absolument. Oui, c'est ça. C'est ça. Je trouve que c'est très important. C'est très important. Ben, c'est une chose qu'on m'a appris, quoi. Elena Bossis a désormais disparu, elle est morte 2 ans plus tard, mais son témoignage nous reste bien sûr comme ses interprétations magistrales. Allez, on vous laisse pour aujourd'hui, chers auditeurs, non sans vous inviter, si le cœur vous en dit, à prolonger cette grande traversée par l'écoute de la discussion que nous avions enregistrée en 2006 avec Frédéric Worms et Michel Murat autour de l'homme révolté. Pourquoi est-il si important que la révolte naisse de l'amour et non de la haine? Pourquoi l'homme révolté doit-il dire oui avant de dire non? Écoutez l'émission, c'était passionnant et elle est en ligne maintenant sur le site de France Culture. De toute façon, on se retrouve demain pour la suite de cette grande traversée et ce que Derrida appelait lui-même une grande séance de nostalgérie. À demain, sous le soleil, s'il vous plaît.